nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri. Comme d'habitude, on commence par Garyou Arvué, père en Atrégonde, l'émission 430. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un adjectif qualificatif, nan de Gouande en breton, hein, et c'est kizidik. Alors kizidik, on voit tout de suite qu'il y a une racine là, qui est kiz, hein, et qu'on trouve dans un certain nombre de mots où il y a l'idée de retour, de réaction. Hein, on avait traité le mot « kiss » il y a quelque temps. Hein, « Dedon wamehis », je suis revenu, hein, revenu sur mes pas en quelque sorte. Hein, « Wamehis », »,« Warokis », etc. Et on a dans « kizidik », on a cette idée de réaction par rapport à une agression, c'est-à-dire une douleur hein, par rapport à quelque chose qui nous agresse. Par exemple, je vais donner des exemples parce que c'est peut-être pas très facile à comprendre. Par exemple, on a une dent qui fait mal et qui a été soignée. On dit « chombe des kizidiques hein, », elle est restée sensible. Hein, et ou alors n'importe quel organe hein, qui est resté sensible après une agression. Donc, il y a cette idée de retour. Hein, bon, voilà, le retour, c'est le réflexe hein, par la douleur et de sensibilité. Alors, d'ailleurs, quand on entend ce mot-là, ça nous fait souffrir, hein, kizidik, hein. On sent qu'il y a, il y a une souffrance là-dessus. Alors, ça a des sens, ça a plusieurs sens, hein, au sens physique et au sens moral. Hein. Ça peut être aussi susceptible. Susceptible, c'est-à-dire qui a l'esprit sensible à une agression aussi, une agression qui peut être verbale ou une moquerie, par exemple, hein. Par exemple, on va dire kizidik eisperad, hein. Il a l'esprit sensible, donc il est susceptible. Susceptible, d'ailleurs, c'est souvent attribué à tort à des gens qui refusent de se laisser humilier ou de se laisser moquer, quoi. Voilà, on dit qu'ils sont susceptibles. Des fois, il faut l'être un peu. Voilà. Alors susceptible, sensible. Alors, donc c'est un mot, alors ça a aussi le sens de douillet aussi. Kizidik, c'est d'ailleurs ultra sensible hein, à la douleur réelle ou supposée. Donc c'est souvent utilisé quand même par rapport à la douleur. Oui, souvent par rapport à la douleur, kizidik. Souvent un organe qui est resté, qui est sensible ou qui l'est resté. Alors il y a des dérivés, par exemple, kizidiges. Donc c'est un mot féminin qui est la sensibilité ou la susceptibilité, si c'est au sens moral. Donc comme c'est un féminin, après l'article, on aura une mutation vers gizidiges. Voilà. C'est quand même, ça commence à être long hein, quand on fait des substantifs comme ça. Henri n'aime pas ça. Non, il vaut mieux essayer de tourner les choses autrement. Parce que le génie du breton, c'est plutôt des mots plus courts et on essaie de tourner différemment. Enfin bon, ça va de temps en temps, mais faut pas l'abuser quoi. On voit des fois des textes où il y a des igues partout comme ça. Hein, faut pas l'abuser. Alors et un verbe alors qui est très utilisé dans le breton d'aujourd'hui, dans le breton moderne, qui est kizidikat. Kizidikat qui veut dire sensibiliser. Alors donc il est très utilisé en breton actuel. En français aussi, hein. Oui. Sensibiliser, c'est instruire sur un sujet qui est considéré comme mal connu. Donc, initier à quelque chose qui est considéré comme négligé. Par exemple, sensibiliser à l'environnement. Sensibiliser... au tri des déchets. Au tri des déchets, voilà. Voilà, ça c'est une... Alors, kizidikat, hein. Alors, c'est... La sensibiliser, c'est éduquer, mais un peu superficiellement. C'est sans entrer dans les détails. C'est le début de l'éducation. Quoi. Faire prendre conscience. Faire prendre conscience, voilà. Faire émerger. On dit aujourd'hui faire émerger de nouvelles représentations. Pour faire court. Pour faire court, oui. Donc, kizidikat. Hein. Mais alors, c'est un, C'est un verbe qui a un certain succès hein, dans le breton d'aujourd'hui, hein, alors qu'il était parfaitement inconnu dans le breton d'autrefois. Alors, bien sûr, il y a des contraires avec « di hein, »,« digizidik », c'est indifférent, insensible, hein, au sens véritablement physique, hein, ou bien indifférent au sens moral. Et « dizidikat », dizidikat, c'est désensibiliser ou insensibiliser. Mmh. Hein. Par exemple, une allergie, ça se fait en... Et ça pourrait même aller jusqu'à anesthésier. Voilà, dizidikat. Voilà, ben on a fait un petit tour sur kizidik, quoi. Comme quoi, à partir d'un mot, un adjectif qui était très courant hein, dans la langue parlée classique, hein, par les gens, on a fait pas mal de dérivés comme ça. Voilà, ben, on a fait un petit peu le tour de la question. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek Tamatam. Deuxième partie d'émission, Brezonek Tamatam. Henri, aujourd'hui, va nous parler d'un sujet d'actualité. Il voilà. va nous parler des départements. Des départements, oui. Ça m'est venu parce que bon, on est en pleine discussion sur la réforme territoriale. Et bon, on se demande si les départements vont... une vieille institution de plus de deux siècles, hein, si les départements vont subsister, disparaître, à moitié disparaître, s'effacer, on ne sait pas trop. Alors, le département, c'est quelque chose d'assez curieux, parce que c'est une subdivision qui est parfaitement artificielle. Hein, ça a été créé donc en 1789 et 1790. Enfin, ils n'étaient pas tout à fait comme ils sont aujourd'hui. Hein. Il y avait 83 départements, mais c'est resté une subdivision artificielle pendant très longtemps, et si bien que ça n'a pas été traduit en breton. Il n'y a pas de mot pour dire département, sauf département, département, département en chou. Hein. Bon, ça c'est quand même. Mais on a pris le mot français, alors que par exemple pour la région, il y a Rendevrault, hein, qui est d'usage assez courant. Pour le département, il n'y a pas de nom en breton. Alors justement, donc il y a ces départements remontent à la Révolution, et en Bretagne, on a la Bretagne historique, hein, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, dans une perspective de réunification ou de non-réunification. La Bretagne historique avait été partagée en 5 départements, donc Finistère. Alors les noms sont assez curieux. Il faut dire que la gestation s'est pas faite comme ça en une nuit du 4 août. Hein. C'est en fait, il y avait déjà une réflexion entamée pendant le règne de Louis XVI hein, sur les départements. Et ils se seraient peut-être créés même s'il n'y avait pas eu la Révolution. Puisque la France d'Ancien Régime était un enchevêtrement de circonscriptions très très complexes. Puisqu'il y avait des circonscriptions judiciaires, religieuses, temporelles. Et il y avait déjà l'idée, avant la Révolution, de faire une unité qui serait quelque chose qui ressemblerait au département, c'est-à-dire un endroit avec un chef-lieu où on puisse se rendre en une journée ou une demi-journée de cheval. Hein, bon. Donc il y avait déjà cette idée-là. Si bien qu'il y avait déjà des noms qui avait été plus ou moins prévu et que ça a pu se faire assez vite. Alors Finistère, on a pris un nom latin, Finisterrae, la fin de la terre. Hein. Morbihan, on a pris un nom breton, c'est le seul nom dans une langue régionale de département en France. Morbihan, petite mer. Pour les côtes du Nord, c'est assez amusant puisque le fait d'appeler ça Côte du Nord, ça prouvait qu'on considérait la Bretagne comme une unité, hein, puisque c'était les côtes du nord de la Bretagne, hein, et non pas les nord de la France. Voilà. Bon, l'Ille-et-Vilaine, on a pris les rivières. Alors, il y a beaucoup de noms de départements qui sont des noms de rivières, en fait. Hein. Il y a toujours la plaisanterie sur la Lozère, hein, aller se baigner dans la Lozère, mais la Lozère n'est pas une rivière, hein, c'est le Mont Lozère. La Corrèze, par contre, est une rivière. Voilà. Et la Creuse aussi. Et alors, mais ça, ça nous éloigne de la Bretagne un peu. Et puis, on avait le cinquième, c'est la Loire inférieure, qui est restée jusqu'en 1957, Loire inférieure, et qui est devenue la Loire atlantique. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que, quand je dis que les départements sont des choses artificielles, la numérotation alphabétique est également quelque chose d'artificiel, mais c'est passé dans les mœurs. Hein. On dit souvent dans le 22, dans le 29, mmh. dans le 56, dans le 44, dans le 35. Voilà. C'est pour ça qu'on les a conservés sur au bout des plaques, hein, parce que les gens sont bon, c'est rentré dans les mœurs le département, quoi. Hein. Et j'ai vu qu'il y a eu des sondages hein, où on dit que les gens sont attachés à leur département. Voilà. Alors, le département a failli être une circonscription démocratique jusqu'à l'arrivée de Napoléon qui a créé les préfets et qui a recentralisé complètement les choses et retiré leur pouvoir aux élus, en fait. Et alors, on est toujours, d'ailleurs, dans ce système-là, c'est-à-dire qu'il y a un double système administratif, le conseil général et le préfet et la préfecture. Ça c'est vraiment un millefeuille alors vertical et de celui-là on ne parle jamais alors que c'est peut-être celui-là qu'il fallait commencer par supprimer parce que le millefeuille horizontal hein, c'est-à-dire la commune, communauté de communes, département, région, état n'est pas très difficile à réformer, il suffit de bien préciser les compétences de chaque niveau, c'est là que le bât blesse en fait, mais le millefeuille vertical celui-là c'est une autre paire de manches, quoi. Alors, avec la disparition des départements, on aura peut-être la situation paradoxale d'avoir des préfets qui subsisteront alors que les départements, enfin, les conseils généraux seraient effacés, quoi. Voilà. Alors, en 1871, alors il faut dire que jusqu'en 1871, les conseillers généraux étaient élus par ce qu'on appelait les citoyens actifs. C'est-à-dire les gens qui payaient assez d'impôts pour pouvoir voter. Et non pas le suffrage universel. Et en 1871, on a décidé que il y aurait suffrage universel des hommes pour voter pour les conseils généraux. Les femmes, bien entendu, ne votaient pas. Donc, il a fallu attendre 1945 pour que les femmes puissent voter, quoi. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a donné des noms aux habitants de certains départements, pas tous, hein, il y en a certains qui étaient compliqués. Par exemple, les Finistériens, c'est passé en breton, Finistérian, hein, ça se dit souvent, hein, c'est-à-dire le Léon et la Cornouaille et la Basse-Cornouaille. Hein. Morbihanais aussi, en français ça se dit beaucoup, en breton on dit plutôt Gwenédourien. Et alors, on a créé, en 1990, quand les Côtes du Nord sont... Côtes du Nordien, ça se disait pas. Mm-hmm. Et quand on a créé le... Enfin, qu'on a baptisé les Côtes d'Armor, on a inventé le mot costarmoricain. Un adjectif assez curieux. Ça me fait penser aux crustacés, moi. Oui, parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui se sente costarmoricain. À part Claudie Le Breton, peut-être. Mais c'est une identité qui n'est pas très répandue. Alors pour l'Ille-et-Vilaine, ils ont essayé de trouver un nom, je ne sais pas où ils en sont. On avait proposé brésilien à un moment donné. Mmh. Je ne sais pas où ils en sont. Parce que Ille-et-Vilainien, ça a été un peu dur. Hein. Mmh. Et puis pour la Loire-Atlantique proprement dit, bon, il n'y a pas de nom non plus. Hein, sinon Nantais, hein, pour ceux qui sont Nantais. Et puis les Ligériens aussi pour la région Pays de Loire. Voilà. Donc, cette idée de département, on ne sait pas vers où ça va aller. Hein. Mais je pense que ça va rester longtemps quand même dans la tête des gens parce que 200 ans à l'échelle d'une vie humaine, c'est quand même long. Donc les habitudes finissent par se prendre. Voilà. Et surtout que tout est organisé jusqu'à présent hein, au niveau départemental, hein, même les banques, etc. Enfin bon, ça représente quand même quelque chose qui ne va pas être facile à faire évoluer. Et ben voilà, tant trop à un département. Merci Henri, on passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonevervro. Troisième partie d'émission, Petra Zonevervro, Eri. Quand je trouve, et vais juste boire vigi aux hommes, croque, on me dit un vel costume, mais on a l'or bourdou à Raguerui ou à Armèze. Puis, vais comme ze de ze l'or bourdou à Rebreis, en moi, vais comme ze d'Alice de ze l'aise à de ze nomone. Puis, du revirion des Breis, ze orvro, à ge ze matré vidoberlaise, à gandelaise et gré nomone. À guégel, vigé gré de nomone badière, gande roivre, ne vigé ribotet. Un que vraiment végrez, c'est, bah, stagno bras, c'est juste. En moins, braise, ne vais que grède, fourmage, pis ne bedoir, c'est, un que gougel ne vigé que grède, mais en moins de vigé grède, un grand monde vigé au handol, à roisevé, en moins de handol, braise, alise. Un que en moins de zal, c'est juste, plus dur, ne vigé que d'eb dans monde douce, voir armèse. Quand je drogue au Bélar, à voir Normand, hein, il juste dit, voir Normand à hier à d'un dut. Là, je vis, j'ai que mode, Normand vide cholestérol. Ag, quand je drogue, à cette une dune, dans le lacet, de zibineup, toi, Normand, à mûr, margarine, à trop dru, beup sort trop dru. Ag, au Bélar, à doisé, ou alors vide hier, là, vraiment, vais voir, n'est que, voir que cuir. Moi que guir tombe d'un trouse. Ag, sais-tu, et hadlan, c'est d'un dut de zibi mûr en mon. Ag, guir, je fais mûr en mon, mar et mon. Ag, zizon drava, devel juste, hein, vide labourer yon dour, ag, vide revro. Pévé comme zed de zun andro, on tombe, Juan mus de gomstar, on tombe de ze blei. Gwigel ou a blei zi, bah, braise, hein. Ag, sais-tu, pere, exo. Zo kalz de gontadin ou war blei, hag war kalz an oio ler zo vel toul blei, kreer blei a bep sort. Hag ba dou han laso wa be lar ad pe kan a hantor kan laso tientor, wa be lar ad re diouz an ba breiz, hag ba bro vranz ne wa ket blei zi. Me ba bro itali zo chom me blei zi, ba mene ou. Hag Hervé Mesclev et oa bela ket panelou, vid l'art de Blaisis oa ban Itali, nou an ket rouet zon ma brovrance. Me peso, Blaisis ne oa ran ke len, a setu n'en tremene de narzou a deut te brovrance. A brom me vekad le Blaisis on tombe pe bler a brovrance, ba meneo ve le vus, ba Nalpou, ba Pyrénées ou mames ba Vosges, Vekar de Blaisi. Hag tri han Blaisi zo o haloup a dis brohal. Hag bon kudé nou zo, dern zo. Evit miro de Blaisi, dern zo enup, bon. Kaz heureuse o ganze. Well vo. Mais n'est-ce que Blaisi roaz ba breiz, n'en ket aï roaz, men. Ah, vich peneket ma trezen, ma tanyo o his. Bon, tam on tam nahan war dachen ur politikeres. Ne ket dachen ur Blaisi hag ous koudé. Politico, Alice veut blazer, sort blazy. Case drouze, zo bid, bid disclair, yet carte neve en France, carte neil de ze vis, de zuiseven, hag, bon, non que bid, mi non que bid zoued, hein, pudur moi l'arrête, rogue pesamo, vige bid compte, pudur, evel juste, et aide en maut, vechoise, gand Jacobinet. Arrêtez, réellement, des comprenons droit, bénéfine, politicourien, une dernière vue, en de ce politicourien, zobabrovrance, de ce tu, gwen pelant, bétagen tu rue pelant, réso, kaitout jacobinet. A setu warzi, magne, du, et vel juste, et vide, houlant que vefebé d'or braise ré grain, a gazé zo cause, N'en que rond de lac à de Bronan, n'en stag à de Sbreiz. Bon, zuroir vocales heureuses, ganzi, puis dur, bon, un DL, zobit roise manifestat avec banan, a zobit digni le dut, of manifeste vide, had une vanne, vau, met zuroir foster, puis dur, vel meslar, d'un, jacobine, zo craintré, ba brovrance. Vi kom zon dan, on tamm de zo, on dra el bromen, war ktile ya revro, Gualmez war gazeten un DL ou a eten en an une garlande guarnique. War l'an et wakom zetar pi blaro, wakom zetar de ze guarnicoz, a hez ni wabet de stourm levid halfe vreton ne de lakad ranoy ou bien brezon ne gdo vigali. Hag guarnicoz zo mar war l'an e me la ratar. Hag blan me man eten en an une garlande guarnique, hein. On soit Eisla Trugen, un oua tranit, à 11 oua zobet, au livour se brude de Ormar et zobet, à Benefin, muske gwell et pen adscrive, bet warze, war gazette en bet, pe muskove de zouez us un temps. Vegen amzor, puis vite comme ze strawell, gontandar de ze Hamelia, ag mazo un den a zo remparloir Hamelia, e fanche moal, puis on veut là 200 pots de Hamelia. Hag, Alice, peut se bécler, veut dire, ouah, Franchemoile, ouah, Wagen ou RKB. Bah, n'a pas d'un tu de Zervro. Hag, Franchemoile, le screw de neub de mad, Camélia ou, Wenou Camélia. Hag, un évaisseau de screw de non, à zo haun et Jean-Paul II. Jean-Paul II. Puis Jean-Paul II. Mais il n'y a pas là, Jean-Paul II. Qu'un non, Hounder Hamelia, gle bout de mirad événement, pas trahi ba Yezoel, ma peswan. Hag Hamelia, ze zo be, au nom de ze Wenze, au Hamelia de ze Wenze, zo be kas de Rome, a zo plante vraiment ba liors a Vatican. Quand c'est ma trem le trai Rome, a li de Montefeld à Hamelia, Jean-Paul Dau, de ze Pargebruck. Bon, d'agour remen ou de fanche boal, ma mon chilo, hein. Kalzedut ba Gwengam vit chom mon tamp tro de Gwengam war a plarman ur chapel zantez ur groaz zantel chapel de Saint-Croix in Galaga ur chapel ze oa de eskop tizan briek hag dile ze doa bet de nebet blai o zo apren de bet vraiment gant kevridig zant jauge oeuvre de Saint-Joseph Galag hag président d'ur kevridig ze e Philippe Aljean zo ran de mat vid de bout krou et de zangen zen ba kar noet. Hag raktre sou zo e vid ober de ze chapel ze o l'air de zigemer an dud o fond wa hin zan jakez. Komp ze meus betar deja vid don tostar an tam de zambe de spoul neuil al gwar hag de vesso zo bet zin de o nemglev gant stal prestalis zo ba Casteljiron ba Tal Roazon, evit ober wardro poul neuial. Ur stalz ur wardro deja daouzeg poul neuial. Hag prestig vo digoret, vo halon dun mont neuial, hag eiz den vo ur labourat ba poul neuial gwareg. A zezo n'ravad evel just, evit ur vro. Eru yom ba kreiz et nan, bon, men a kalz gwell yuzo, a kalz pardon yo, hein. Bon, donc, vi konto de set oud, prestige vo gwell en dan oud, hein, vid ur vro plin, hein, gwell ur vro plin, hag waler vo gwell ur vro fissel, hein, hag gwell zan loup ba gwen gom, bon, a kalz gwell yo wel hendel, hag plijad yor zo de gal, evid de dol. Deux heures mort ne content que Gwal Alice. Peut dire, on pèle deux heures mort. Non que Gwal Bel bénéfine, mais, bénéfine, avec, mec trop de gomme scalz deux heures mort. Asi me mestra, moi, Juan de l'art d'en, ramener que Gwal, voir un vague, bugal et braise. Peut dire, des glaçons, de bemzege de visgenver, ouais, de vons heures mort, heur vagues, bugal et braise, heur vagues, pisqueteres. À de Huls, des glaçons, ou un labour à ba vro, et non, ba kerne isel, hag, calze dut de gonte de zé, un dit waler, waed, heur vagues, heur vons, à tout d'une dut, l'ar et waed, gand, heur lisse plus, hein, sous-marin, ma peu soin. Hag, bon, hag, zoroir et dresé, waed, heur vons. Mais dès que la Waller, justice ne se divise de la qu'à de nafer, gosté, à ma treize, elle ne vaut que guard, que j'ai bête, pétro, ou à voir, vise, de houls. Hag a zeve gwell n'at pegen dister e galout an dud, direk galout e stadou. Komm zo moa d'ar neus ket gwell belzo deus raktrez evit ober skeden ou deus c'hoarez et gwadek ba karez. Hag gredeñ, hag aien ba karez, rezo pez telven ou bras, pe dur pepin e ra 16 mir, zira 340 kilo. Hag zur n'en ket preston gant un avel. Bon. Nevezo zo bet gred o lever, zo bet skrivet gant l'on den deus bro Belgique, hein, hag I haon e Jean-Pierre Van Es, di war ben ur binioioù zo war, war ur bet, benefin, ur wed bez, hag lever zo, zo handvet, cornemuse, an infini sonore, a ze zo in bandet gant kog breiz. Ha deus meus klev, de lever brasant zo begret, beta vremen war, war binioioù zo. Hendel peont komz deus Lenegez or priz vid de Lenegez ten kinda eus o berro de nevezo de Yann Gerven eus o skrivani ur babulan hag eus o an av mat an eus bet priz vid I lever traoù neve hag eus o imbanet gant skol gant gant skol vreiz ya gant skol vreiz ya neke gant kom vreiz me gant skol vreiz. Vi komz un tamm c'hoaz deus de zonerez, kant a c'hantor kant lasso, e oa bet gannet ba, ba gwen gant Guy Repars. Guy Repars oa mab de Sigismond Repars ad Elise Repars, hag neus bon zo zon ozour a zo an avet mat, a neus gret kalz, neus skrivet kalz zonerez, a wenet gant breiz. A benefin, bon, et oa de gauz, et oa et oa oa ilev e de l'anloup hag mar oa enan ba bla mil no han pem ba hanter kan setu bon Guy Repars kalz kalz ober ou deus Guy Repars eve eve c'hoariet bremañ kand lasso kand lasso ba bla perzek oa bet imbandet gant taldir jafrenou or geriad ur brezhoneg hein. Hag zo barz pem, pem war nu gen mil dier. Hag kavet ve ba, ba geriad ur ze kalze draou, kalze geri ou deus kreiz breiz am. Pudur tal dir oa, tal dir jafrenou, e pod neus gret bourgoz mezadou. Hein. Oa deus kar noet. Hag seiz la waler oa bet imbandet de geriad ur vale. Hag deus sim a trezen vo ratkomz, pudur mezan le vo imbandet prestig Geriad ur vale. Bon, gremme mon tamm tro, tro, met chom refet trao de l'arne, met gremme mon tamm tro war peso neve bavro.